c'est là que je veille comme un vieux sage. Que rien ne vient t'importuner. Et je ne souris pas, je ne vibre pas, je ne fais que passer. Tapis dans l'ombre de tes pas, je cueille les fruits de ta pensée. Dans le fracas de tes rêves, de tes batailles, il y a des délices charmées. On nous attend une belle retrouvaille d'une blanche à ta véronée. Laissez flotter le monde en riflade, le vent à ses champs fait claquer. On entend de belles courtisanes, mon doux parfum. Laissez flotter le monde en riflade, le vent à ses champs fait claquer. On entend de belles courtisanes, mon doux parfum. D'étoiles délicates, quand le soir tombe, je viens accoster tout à côté, tout à côté. Thank you.